Exercice 1, page 15. A. Regarde, la mer. B. Regarde, la mer. C. Regarde, c'est Céline. D. Regarde, c'est Karine.